La mauvaise humeur. Je suis de très mauvaise humeur ce matin. Je me sens de très mauvaise humeur ce matin. Tu n'as pas l'air très en forme aujourd'hui. Il est à bout de nerfs. Elle est d'une humeur massacrante.